Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième The Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Aujourd'hui, on va passer avec des nouveaux groupes, bien sûr, et puis on va revoir quelques formations qu'on avait vues lors de l'émission numéro 1. On va commencer tout de suite avec la grosse machinerie, Leibar die Liebe. Liebe. Voilà pour le titre du groupe Wappenbund. Alors, j'en avais pas parlé l'autre jour, en fait, on avait passé un titre du groupe Wappenbund. En fait, c'est un groupe allemand dirigé par Sven Bosslor. Donc en fait leur musique est quand même assez spécifique puisqu'elle est composée à la gloire de l'ancien royaume prussien. Voilà. On aura remarqué chez Wappenbund cet aspect mélancolique avec une espèce d'ambiance faite de souffrance. De défaite, etc. En fait, c'est quelque chose de très marquant, très émotionnel hein, pour le groupe Wappenbund. D'ailleurs, là, beaucoup de titres sont liés à cet aspect émotionnel. Donc voilà pour ce magnifique titre de Wappenbund. Donc juste avant, bien sûr, on avait écouté le titre Die Liebe du groupe Liebhar slovène. Tiré de l'album Nova Acropola. On va passer tout de suite au néo-folk avec Son Agal, Memory Eater Come. Voilà un titre classique néo-folk très sympathique. Au demeurant, un groupe donc traditionnel dans la mouvance néo-folk, Dark Folk. Voilà pour le titre de Sonagal, donc Memory Eater Come. Alors on va passer tout de suite avec March of Heroes, un groupe français, avec pour titre la réédition finale. Thank you. Voilà pour le titre de March of Heroes. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un groupe français initié au départ par Romain L. Alors, le groupe s'inspire, enfin, les conceptions artistiques s'inspirent des événements de la Seconde Guerre mondiale du côté russe, parce qu'en fait, on voit dans le style de March of Heroes, à la fois dans le style assez wagnérien, du moins au fil des productions, et les pochettes d'albums, on voit beaucoup en fait l'armée rouge, donc durant la période 39-1945, et donc. C'est extrêmement intéressant parce que beaucoup de titres incorporent des sons d'époque. Donc c'est à souligner, voilà, pour l'originalité en fait de March of Heroes. Voilà, on va passer tout de suite avec donc du néo-folk et on retrouve bien sûr Of the One, Of the Moon avec un titre. Issu d'un album il y a maintenant quelques années, My Black Face. Left but a few. Voilà pour le titre de Disingenuous. Donc c'est un rêve. Alors issu de l'album Nada. Alors faut savoir que Disingenuous, c'est en fait, on peut les qualifier. Enfin, on peut le qualifier aujourd'hui. Je dirais qu'en fait, l'entité Disingenuous est en fait liée directement à son chanteur Douglas Pearce. Il faut savoir que Disingenuous sont considérés comme les chantres de la Dark Folk. Alors, tout simplement que Douglas Pearce a créé, on peut dire aujourd'hui, le mouvement Dark Folk. En mélangeant en fait de la poésie européenne, poésie noire, et de la folk dans une espèce d'ambiance sépulcrale et épique. Alors, c'est une formation qui a marqué de nombreuses années. Il faut savoir que la discographie est énorme de Disingenuous. Elle compte pas moins de 10 albums, de maxi 45, de singles, etc., etc. D'éditions limitées, parce qu'il y a un aspect un peu fétichiste aussi dans ce groupe-là. Enfin, voilà pour la petite parenthèse Disingenuous. Alors, on va passer tout de suite à un groupe, enfin du moins une personnalité. Alors ça s'appelle Le Silence des Ruines, et c'est tiré d'un album qui date maintenant depuis quelques années. Le titre c'est Le Règne des Ombres, et on va en parler tout de suite après. Thank you. titre du groupe, enfin du moins du l'initiateur de Le Silence des Ruines avec le titre Le Règne des Ombres. Alors, pour savoir donc que c'est une formation, du moins une création, un projet français initié par Nicolas F. Alors, c'est assez inspiré par la réflexion intérieure de l'humanité, des conséquences de ses propres actes autodestructeurs. En fait, Le Silence des Ruines propose une dark wave, donc assez ambiante, teintée d'une atmosphère parfois martiale, voire pop. En fait, le projet est extrêmement intéressant parce que on peut trouver aussi parmi les productions du Silence des Ruines, comme certains autres groupes, des atmosphères liées à la Seconde Guerre mondiale. Voilà donc pour Le Silence des Ruines. On va passer tout de suite à un groupe allemand, Liger des Eis, Wekung Dai Kung. Il s'agit de néo-folk, dark folk. Thank you. Voilà pour le dernier titre après le groupe Ligger This Ice, c'était le groupe Rome avec un titre To Die Among Strangers. Alors faut savoir que Rome est un groupe luxembourgeois, donc qui est né en 2005, initié par Jérôme Reuter. Alors, faut savoir que le groupe officie entre le martial industriel, la dark folk, le néo folk, donc différentes tendances. Et il y a une particularité, c'est qu'en fait, il s'inspire des chansonniers, malgré qu'ils chantent en anglais, des chansonniers comme Jacques Brel ou Léo Ferré. C'est assez intéressant comme projet. Donc la façon dont sont traités les textes en anglais se rapproche véritablement de ces chansonniers français. Sinon, l'ambiance est musique industrielle, post-industrielle et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, lorgnant entre la dark folk et néo folk. D'ailleurs, le titre s'inspire véritablement, de toute façon, d'un style dark folk. Voilà, on va passer tout de suite un retour sur Dissing June, toujours tiré de l'album Nada, She Said Destroy. Into that darkness, into that darkness, the burden is blessed. Into that darkness, into that darkness. Voilà pour le titre de Death Engine tiré de l'album Nada, She Said Destroy. On passe toujours donc cette fois-ci au Martial Industrial avec le groupe Blood and Sun avec le titre Radial. We'll be right back. Voilà pour Blood on Sun avec le titre Radial. On va passer tout de suite à Triari. On l'avait mis justement lors de la première émission. Alors, Triari, j'en avais parlé, mais j'avais pas donné, excusez-moi. J'avais pas parlé du nom en fait de la d'où venait en fait le nom Triari. Alors qu'est-ce que c'est Triari? C'est qu'en fait une Triari c'était une dernière colonne romaine, la dernière, la colonne finale qui formait une cohorte. En fait, souvent dans les batailles romaines. Lors de l'époque de l'Empire romain, la triarie était souvent en fait la dernière défense qui donnait en fait la finalité de la victoire ou de la défaite lors des conquêtes de l'Empire romain. Voilà, et voilà pourquoi en fait triarie, le groupe s'inspire. Des sons liés à l'Empire romain, et on a vraiment l'impression en fait d'avoir de temps en temps des légions en marche vers les conquêtes lorsqu'on écoute en fait les productions du groupe Triari. Voilà, donc on va revenir sur le titre The Final Legion, comme quoi on est vraiment en plein dedans. Donc la Légion finale pour le groupe Triari. Voilà pour le titre du groupe Triari The Final Legion. On va passer tout de suite à de la Dark Folk, Neo Folk. Alors, je rappelle le concept de l'émission. ainsi que les contacts. Si vous souhaitez participer à l'émission en envoyant une playlist, parler d'un groupe, d'un artiste, etc., d'une tendance, lié bien sûr à l'orientation musicale de l'émission. Vous pouvez passer sur Twitter l'analyste média, arrobase l'analyste avec un L et ça s'attache, média M majuscule et le L majuscule pour l'analyste. Et vous pouvez me contacter directement ou sinon sur Alix avec un Y 76 arrobase hotmail.fr ou directement bien sûr sur BitShot ici en laissant un commentaire. Voilà donc pour le petit rappel. On va passer tout de suite donc comme je disais au néo-folk Dark Folk avec Nibelung et un titre Meet Winter. Thank you. pour le titre de Nibelung Midwinter, on passe tout de suite à du néo-folk, toujours avec Sonnentau der Garten Lebensnox. Der wird stets ein Fremder sein. Kein weiches Bett zu reißen, in deinem leeren Zimmer ist einzig der Wind zu gehen. Voilà pour le titre du groupe allemand Sonnentau der Garten Lebensnox. Alors, faut savoir que ce groupe c'est un groupe qui n'a pas été très prolifique, mais par contre, que l'on a retrouvé pendant toute une période sur pas mal de compilations. Ce titre par exemple est tiré de la compilation For City Lept. Alors cette compilation est un hommage à For City. On en avait passé lors de la première émission, For City initié par Andreas Ritter. Alors donc voilà, le titre fait partie de cette compilation. On retrouve Dissing June, On the One of the Moon, pas mal de groupes comme ça. Donc c'est une compilation qui est assez sympathique au demeurant, qui n'a pas vieilli, hein, qui date maintenant, mais qui n'a pas vieilli. Voilà donc pour l'avant-dernier titre de l'émission. Alors on avait commencé avec un titre donc du groupe slovène Leibar. Et ben on va finir l'émission avec un titre de Laibar, The Great Seal, qui est en fait l'hymne du NSK. Alors, qu'est-ce que c'est le NSK ? C'est le New Slovenic Kunst, la nouvelle école slovène initiée par le groupe Laibar. En fait, quelque part, c'est une école artistique qui se définit par un espèce de musée centre artistique qui se trouve en Slovénie à Ljubljana, et donc le titre en fait est un hymne, puisqu'en fait Laibar a créé son état virtuel, donc le NSK. Un très beau titre d'ailleurs, entre symphonique et martial. Voilà donc pour le dernier titre. Alors, je ne reviendrai pas après ce titre, donc je vous dis à dans 15 jours pour un spécial, alors qui va être un peu changeant, enfin toujours dans le domaine des nouveaux enregistrements européens. Il s'agit d'une émission qui va être consacrée au pagan folk, viking folk, metal viking, traditionnel, celtic folk, en fait tout ce qui est groupe qui en fait travaille dans le domaine de la symbolique symbolique européenne, de l'imagerie païenne, de l'imagerie nordique, celtique. Et ça sera une émission consacrée uniquement à ce genre de musique. Voilà. Donc je vous dis à dans 15 jours et à bientôt, chers camarades. On the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets,